on est quand même dans une alimentation de plus en plus industrialisée, c'est quand même une réalité. Et du coup, c'est aussi pour ça que les consommateurs s'interrogent de plus en plus. Et qu'on est quand même aussi dans une alimentation de plus en plus aseptisée. Et la montée en puissance de la sécurité, des problèmes sanitaires, moi, c'est vraiment ça qui me frappe le plus. Il y a une inquiétude de plus en plus grande, il y a des contraintes de plus en plus grandes. On est dans des logiques vraiment anglo-saxonnes, où l'hygiène compte beaucoup, la normalisation, la nécessité de faire circuler les produits à l'autre bout du monde, avec toutes les contraintes que ça amène, et qui a des répercussions sur justement la diversité biologique et culturelle. Puis c'est un cercle vicieux, parce que plus on inquiète les consommateurs, plus ils en redemandent au niveau des garanties, plus on fragilise les populations, parce que plus on est aseptisé, plus il y a d'allergies, plus il y a de maladies, d'épidémies. C'est très contraignant, c'est très coûteux, puis tout le monde ouvre le parapluie.